La prairie. L'été passé, environ la Saint-Médard, un faucheur de prés acheta une faux toute pimpante neuve, tranchante comme le bec d'une couturière à la journée. Il fut à la ferme du grand peuplier et fit prix pour faucher une petite pièce d'herbe de quelque 7 bonniers, 3 verges, 2 perches et 1 pied 4 pouces que le sancier hala derrière son verger. L'homme arrive au champ, un matin clair et beau, ôte sa blouse, retrousse ses manches. Tintin, bat sa faux, comme pour dire. Ric-rac, la fille la salade de bois mouillée de vinaigre. Se campe d'aplomb sur ses sabots, et, ainsi que s'il ne voulait plus rien entendre, sans dire qui a perdu ou gagné, se met à donner de la faux neuve, de droite et de gauche, comme un perdu. Mais 11e coup, voilà que la lame rencontre une grosse pierre qu'il n'avait pas vue, et que, du coup, il tranche en 2 morceaux, net comme un navet. L'acier était de bonne trempe. Le feu sortit de la pierre en étincelle, alluma l'herbe voisine, qui bientôt enflamma le reste de la prairie. Tout fut brûlé avant qu'on pût y porter remède, car personne n'y courut. Et ni une ortie, ni une centaurée, ni une marguerite, ni un chardon, ni une fléole, ni une renoncule, ni un florion d'or, ni une argentine, ni un trèfle, ni un brin d'herbe, ne demeurèrent debout. Quand le feu fut apaisé, il avait si bien couru partout qu'on eût dit que les foldreux y avaient cuit leur charbon de bois, tant était noire à présent la terre là où tantôt elle brillait de fleurs épanouies et de verdure. Le pauvre faucheur, voyant ce triste spectacle, s'enfuit au plus vite, courant comme s'il avait volé un sang de mouton. La mort se jetant en travers, de nous prend souvent les plus verts.